cuộc tình mà tôi đã biết tan rồi. Cuộc tình mà tôi đã nghe tan phai. Hà Nội, tôi biết nhưng vẫn mong ước, ước mong nhưng biết sẽ mơ hoài không. Vì tình mà lo đi giữa cuộc đời, cuộc tình dù mà giữa đêm mù khơi. Hà Nội, tôi khóc cho tới khi xa, tôi hoang nghe hoang kết tôi trong màn đêm. Ôi lòng chua xót với đớn đau trong hồn tôi. Ôi ôi ôi chàng trai đã ôm ấp em rồi. Ôi lòng chua xót với đớn đau đã từ lâu. Ôi ôi ôi tình hoa sẽ phải tan máu. Cuộc tình dù tôi đã biết tan rồi. Cuộc tình mà tôi lẽ ra còn nuôi. Hà Nội, tôi biết tôi đã lầm lỡ. Tôi biết tôi sẽ giết đi tình tôi. Je sais que cette fois c'est la fin. Je sais que l'on n'y peut plus rien. Je sais, mais je ne peux pas croire. Je sais qu'il n'y a plus d'espoir. J'ai peur, si peur seul dans la vie. J'ai froid, si froid tout seul la nuit. Je pleure de haine au petit jour. Je pleurais quand je vis sans amour. Oh, j'ai si mal, si mal de penser qu'un autre déjà te serre dans ses bras. Et j'ai si mal, si pourtant depuis bien longtemps, je sais, je sais, je sais que l'on n'y peut plus rien. Je sais que cette fois c'est la fin. Je sais, je devrais t'oublier. Je ne devrais pas pleurer, je ne devrais pas.